Chapitre 14. Avec son inaltérable placidité et sa discrétion à toute épreuve, Miette avait vu passer l'heure habituelle du déjeuner sans s'émouvoir. Elle sonna la cloche, mais sa maîtresse n'étant pas venue, elle prit son repas à la hâte, après quoi elle vaqua à ses occupations ordinaires. Ses fourneaux étaient restés allumés. En 5 minutes, elle pourrait servir. Ni Mélanie ni le docteur n'avaient entendu le coup de cloche, pas plus qu'ils n'avaient fait attention au tintement de la grille d'entrée. Le récit de la jeune fille était trop intéressant pour l'un comme pour l'autre. Leur estomac n'avait pas même réclamé contre la longueur de la séance, ce qui pour le docteur était absolument anormal. Le docteur, méthodique en tout, déjeunait à 11 heures. Mélanie ne termina sa confession qu'à 12h30. Ils ne pensaient certes pas à quitter la tonnelle sous laquelle ils étaient retournés au cours de la seconde partie du récit. Avec ce tact qu'ont les femmes, lorsqu'elles veulent changer de conversation, Mélanie fit la remarque de l'heure tardive. Elle redevint maîtresse de maison, et si peu qu'elle dut faire honneur au déjeuner, elle emmena le docteur vers sa maison. « Ma pauvre Miette, dit-elle en arrivant, tu ne devais plus savoir ce que nous étions devenus, as-tu pensé à 2 couverts ?»« Oui, mademoiselle, vous pouvez vous mettre à table. » Ce fut pour la forme que le docteur et Mélanie s'assirent. Ils éprouvaient le besoin d'être seuls. Une demi-heure après, le docteur prenait congé, annonçant que le lendemain il apporterait une sonde avec laquelle on nourrirait artificiellement M. de Mulsey. Il se dirigea lentement vers la gare, perdu dans un monde de réflexion, sans voir les passants qui le croisaient ou le devançaient. Quand il arriva à la porte d'entrée de la station, il fut bien obligé de relever la tête pour se frayer un chemin. Il y avait comme un encombrement. Un gros homme interceptait le passage. « Bon enfant !» s'écria le docteur. « Voilà une vie !» répliqua le Provençal. « Que faites-vous ici ?»« Il demande ce que je fais. Je vous attends. »« Êtes-vous allé à la villa ?»« Parbleu. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Miette de nous avertir ?»« Dérangé, un tête-à-tête. Pour qui me prenez-vous »« J'ai attendu 1 heure. » Contempler un homme inerte et converser avec une fille qui ne veut rien dire sont des passe-temps peu récréatifs. J'ai quitté la place, me promettant bien, par exemple, de ne pas vous manquer au retour. Oh, ne craignez rien. Je ne viens pas réclamer ma part dans les confidences de votre terrible protégé. Vous êtes donc toujours en colère contre cette pauvre fille? Je vous affirme qu'elle est digne de notre bienveillante et sympathique pitié. Bon, bon, mais il ne s'agit pas de cela. Je suis allé hier soir à Mabie. On ne parlait que de son absence, et l'on émettait les hypothèses les plus saugrenues. Ni Bresson ni ses 2 témoins ne s'y trouvaient, ce qui m'a fait grand plaisir. Ces messieurs se sont méfiés probablement de la curiosité dont ils seraient l'objet. N'ayant rien à raconter, ils ont préféré ne pas s'exposer à faire ou dire quelques sottises. Ce sont des fous raisonnables. Mais ce matin, j'ai reçu la visite du jeune d'Altara. Ce n'était pas le journaliste courant aux nouvelles, c'était l'homme du Monde s'excusant de sa démarche, voulant manifester à la fois ses regrets et sa sympathie. Si ni ses amis et lui n'étaient allés à Mabie, il savait ce qui s'y était passé, et il m'offrait, si je le croyais utile, de donner le change à l'opinion turbulente des habitués de cet établissement fantaisiste, des désœuvrés de ce monde frivole. J'ai pour principe que la vérité est la meilleure des diplomaties. Je la lui ai dite, en omettant seulement d'entrer dans les détails, de mentionner l'intervention du père Cabassu et d'indiquer la maison où Julien de Mulsey a été transporté. Nous nous sommes donné rendez-vous pour ce soir 11 heures. Si l'agitation continue à Mabie, d'Altara m'a promis de publier dans son journal une note conçue de manière à couper court à tous les commentaires. Je n'ai rien voulu décider sans votre assentiment. Je vous remercie de votre confiance, cher monsieur Bonenfant. Si la disparition de la jeune fille fait encore événement ce soir, une note bien nette, insérée dans un journal très répandu, pourra nous rendre service. Ce n'est pas tout. Qu'allons-nous faire de Joseph, le valet de chambre de Julien de Mulsey? Lui aussi, il est venu me demander des nouvelles de son maître. Le brave garçon est très inquiet. Je lui ai répondu évasivement, mais nous ne pouvons le laisser longtemps dans le doute. Diable, diable. Eh, docteur, si j'étais rancunier, comme je prendrais ma revanche de vos colibets? Vous auriez 100 fois raison, morbleu. Je me suis laissé sottement absorber par les personnages principaux du drame. Et par les beaux yeux de l'héroïne? Je ne suis pas oculiste. Bonenfant ne s'attendait pas à cette réplique. Il éclata de rire, d'un rire rabelaisien qui soulevait sa large poitrine et faisait rebondir son vaste abdomen. C'était une plaisanterie aux grosses ailes. Bon enfant n'aimait que celle-là. Le docteur connaissait bien son interlocuteur. Il l'avait dompté. Toute décision fut ajournée au soir. Elle devait dépendre en effet du plus ou moins de bruit que cette aventure continuerait à faire. Il était également possible, ou bien qu'on s'en préoccupât exclusivement, ou bien qu'on n'y pensât plus du tout. Cela tenait à si peu de choses. Paris est si mobile. Malheureusement, aucun incident ne se produisit de nature à changer le cours des idées. Mabie n'était occupée que de la scène violente de l'avant-veille. L'affluence était énorme. Aux habitués s'étaient joints les curieux, qui se faisaient expliquer sur place les moindres péripéties du drame. Comme toujours en pareil cas, les complaisants se trouvaient en grand nombre, racontant, démontrant, décrivant, détaillant les circonstances vraies ou imaginaires et se donnant de l'importance. Bresson, D'Altara et Robert surtout étaient entourés. Sur le conseil du docteur, Bonenfant les avait priés de se rendre à Mabie. Discrètement, il donnait à entendre qu'après un échange de balles, le duel s'était terminé sans effusion de sang, que par un revirement inattendu, le jeune homme et la jeune femme s'étaient réconciliés et que vraisemblablement ils ne paraîtraient plus au bal. « Nous avons été joués, quoi ?» disait le jeune Edgar Bresson, qui se pavanait, faisant la roue avec son duel. « Une fable de La Fontaine en action. » « Oui, le troisième larron. » Lancé dans cette voie, le public se divertit beaucoup, et chacun dit son mot plus ou moins spirituel. La curiosité avait un aliment. Néanmoins, quand les acteurs du drame se trouvèrent réunis, on convint de mettre un terme à tous les cancans, et l'on rédigea la note suivante, qui parut le lendemain matin dans le Figaro du 10 juillet. « Un enlèvement à Mabie. On va dire encore que nous inventons, comme si la réalité n'était pas plus forte que l'imagination. Oui, un enlèvement. » Il ne fallait rien moins pour maîtriser la jeune femme qui, depuis 2 mois, faisait le désespoir de tous les soupirants et que l'on appelait la Vierge de Mabie. Il y a 3 jours, un jeune homme du meilleur monde, qui avait sans doute de bonnes raisons pour agir ainsi, l'a gravement insultée. Elle a crié vengeance. À la suite d'incidents qu'il serait trop long de raconter, il y a eu duel. La jeune femme, dit-on, y assistait. Elle admirait le courage de son insulteur. Ils sont partis tous les deux cette nuit pour la Suisse. Qui expliquera jamais les mystères du cœur féminin? Ce petit article fit grand bruit. La plupart des lecteurs crurent à ce qu'on appelle un canard, c'est-à-dire une mystification. Les habitués de Mabie, déjà préparés à cette explication, furent convaincus et passèrent à d'autres amusements. N'y eût-il pas eu diversion, d'ailleurs, cet événement aurait été bien vite oublié. Les préoccupations politiques s'imposaient aux plus indifférents. La candidature du prince prussien Hohenzollern au trône d'Espagne était considérée par le gouvernement français comme une menace et un défi de M. de Bismarck. Des négociations diplomatiques avaient été engagées, mais tandis qu'une partie du ministère les poursuivait avec le désir sincère d'arriver à une solution pacifique, l'autre partie, poussée par les mamelouks de la dynastie impériale, était résolue à ne tenir compte d'aucune satisfaction, pas même du retrait de la candidature Hohenzollern, et à déclarer la guerre. La guerre fut déclarée le 15 juillet, dans la séance à jamais historique du corps législatif. Avec leur légèreté et leur enthousiasme habituel, les Français se lancèrent gaiement, en riant et en chantant, dans la plus funeste et la plus meurtrière des aventures.